j'espère d'avoir enfin du pèse dans les poches. Après ça appelle, j'aurai le sourire aux lèvres quand je décroche. Envie que mes sons décollent depuis les bancs de l'école. Envie que mes plans étonnent et cognent et pas que les gars de mon clan déconnent. On a des codes, j'ai envie qu'ils restent entre nous. Entre fous, on se comprend, je vise haut du classement, pas le ventre mou. Le vent me pousse, faut que je bouge tout, c'est ce que je m'efforce à croire. À bout de souffle, je fous le souk et mes efforts s'accroissent. Je dévore ma proie qui est l'instru et je l'enterre ensuite. J'ai envie de faire des affaires, d'avoir des comptes bancaires en Suisse. Envie que les gens me suivent, mais je kiffe quand les faux s'enfuient. Les radios passent de la merde à croire qu'elles ont le cerveau en fuite. Les blêmes pros s'en suivent, il est temps que ça cesse. Les MC veulent jouer les chefs, mettre même de l'or sur leurs dents de sagesse. J'ai envie que ça pète, le rap promis j'aime ça. Je domine, atomique sont les prods de Tony Tenza. J'ai envie de bien faire, quand le devoir m'appelle. Faut que je perce pour plus être inquiet à l'idée de voir ma paye. Envie d'y voir clair, pas que mon espoir s'estompe. Ils finiront par voir que sur mon compte ces enfoirés trompent. J'ai envie de bien faire, quand le devoir m'appelle. Faut que je perce pour plus être inquiet à l'idée de voir ma paye. Envie d'y voir clair, pas que mon espoir s'estompe. Ils finiront par voir que sur mon compte ces enfoirés. J'ai envie que ça se passe, je lâche pas, il est temps que les nazes partent. J'envisage de percer dans le rap malgré mon visage pâle. Que mon village parle de moi et de mon pillage. Laissez la place aux jeunes les vieux, allez mettre votre crème anti-âge. Passe, le mic je veux pas de biatch, pas de gaspillage. Car y'a pas de cash, le jour la nuit on part au casse pis grave tard. J'ai envie que ça se calme, ne plus courir après le temps. J'trouve le temps long, mes temps longs veulent croquer la vie à pleines dents. Après le sang, les larmes, mon encre coule en cascade. Pas de 4x4, on marche et y'a pas d'assurance en 4x4. Y'a pas de place, j'ai envie de m'en faire une. J'ai cru avoir les clés en main, mais y'a eu changement de serrure. J'ai envie de voir mes proches et leurs projets aboutir. Vivement l'année prochaine, on a tellement de choses à nous dire. D'ici là, je patiente, je travaille les soucis techniques. Si t'apprécies le son, tu peux remercier l'équipe de French Kick. J'ai envie de bien faire, quand le devoir m'appelle. Faut que je perce pour plus être inquiet à l'idée de voir ma paye. Envie d'y voir clair, pas que mon espoir s'estompe. Ils finiront par voir que sur mon compte ces enfoirés seront. J'ai envie de bien faire, quand le devoir m'appelle. Faut que je perce pour plus être inquiet à l'idée de voir ma paye. Envie d'y voir clair, pas que mon espoir s'estompe. Ils finiront par voir que sur mon compte ces enfoirés. J'ai soif de réussite, de musique, faut que je réunisse des thunes vides. J'ai qu'une vie et je te conseille, ne pas me louper si tu me vises. J'ai qu'une ville, Paris, une team de tarés utile sur le terrain. Pareil que j'ai une mine de rimes carrées. J'ai envie de vite me barrer, du style Bahamas. Juste histoire de vivre ici, y'a trop de types à la masse. Les petits malins passent sans cesse inaperçus. Ici le mal perdure et cette bille là me perturbe. L'amertume est ce que ma plume extériorise. Y'a même plus de respect pour la même thune, les frères se corrigent. C'est pas parmi les riches qu'on se répertorie. Mais on est loin d'avoir des textes pauvres qui hébergent nos rimes. J'ai envie de grimper, remonter le pourcentage de chance de trinquer. Tu dis qu'il n'y a pas d'espoir, c'est pourtant ça que je chante. Il n'y a pas moyen que je change, c'est carnal, le seul et unique. Ni vu ni connu, c'est le stylo et le cœur réunis. J'ai envie de bien faire, quand le devoir m'appelle. Faut que je perce pour plus être inquiet à l'idée de voir ma paye. Envie d'y voir clair, pas que mon espoir s'estompe. Ils finiront par voir que sur mon compte ces enfoirés seront. J'ai envie de bien faire, quand le devoir m'appelle. Faut que je perce pour plus être inquiet à l'idée de voir ma paye. Envie d'y voir clair, pas que mon espoir s'estompe. Ils finiront par voir que sur mon compte ces enfoirés seront. Carna. Soif de réussite. Grave.